Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. Nous sommes le lundi 22 novembre 2021. Nous sommes en direct. C'est Chris, il est un peu plus de 14h. Il est 14h01 même. Vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Solène Roland de l'atelier de Salem, qui est là pour nous parler de l'atelier de Salem et de tout ce qu'elle fait. Donc bonjour Solène. Bonjour. Comment ça va? Ça va, un peu stressé. Ça va aller. Voilà, ça va aller, ça arrive. Il y a beaucoup d'invités qui sont stressés avant une émission, mais en général, après, ils disent oh, ça va mieux. Donc, bon. Nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, alors, moi, je suis créatrice métier d'art et je travaille le verre à la flamme et le métal, les métaux non précieux comme le cuivre et le laiton majoritairement. D'accord. Et donc je réalise des bijoux, des objets précieux et d'ornement, et aussi des sculptures d'assemblage. Ok. De toute façon, nous allons développer le sujet pendant toute cette heure d'émission. Et donc, comme annoncé à l'instant, tu travailles du coup à l'atelier de Salem. Donc, bien que nous développerons le sujet tout au long de cette heure d'émission, est-ce que tu peux présenter cette fois, en quelques mots toujours, ce qu'est l'atelier de Salem? Alors, l'atelier de Salem, c'est mon entreprise, en fait, que j'ai créée en janvier 2020. Bon, c'était peut-être pas la meilleure période, on va dire, pour le démarrage. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir être soutenue quand même par mes parents, parce que il y a beaucoup de personnes, jeunes entrepreneurs, à la même période que moi, qui finalement ont fermé boutique avant même d'avoir commencé leur activité. Ouais. Ça n'a pas été mon cas, heureusement. Mais donc c'est mon entreprise, voilà, où je présente sur différents événements, des salons, des expositions, mon travail. Et aussi à mon domicile prochainement. D'accord. Parce que pour l'instant, je suis en plein travaux chez moi. Donc voilà, ce sera pour l'année prochaine. D'accord. Donc tu es une jeune chef d'entreprise de moi. Voilà. Ok. Et donc, j'allais te demander quand est-ce que tu as créé l'atelier de Salem, mais tu l'as dit en juillet 2020 ? Janvier. Janvier 2020, oui. Ok, voilà. Tu as dit ça il y a deux minutes, j'ai déjà totalement oublié, mais bon. Pourquoi ce nom de l'atelier de Salem? Alors, en fait, donc on a tous dans l'imaginaire populaire et collectif Salem comme référence pour la sorcellerie, de l'histoire de Salem, mais qui est assez sombre au départ. Hein, mais finalement, moi, je considère qu'on a un peu réadapté le mot de la sorcellerie en elle-même. Et à l'heure actuelle, je trouve qu'il peut y avoir une belle sorcellerie aussi. Et en l'occurrence, je trouve que le verre est un matériau un peu sorcier par ses différents états. Par exemple, son état presque liquide en fusion, et sa dureté et sa brillance. Voilà, donc c'était directement lié à ça, au verre, en fait, au travail du verre. D'accord. Que je trouve un peu sorcier. D'accord, donc est-ce qu'on peut dire du coup que tu es une sorcière des temps modernes? On va dire ça, oui. Et donc l'atelier du coup en janvier 2020, est-ce qu'il a toujours été au même endroit pour l'instant? Oui, on a emménagé la même année dans les Vosges avec mon compagnon. Donc on a acheté une ancienne école dans laquelle on est en train de créer nos ateliers chacun. Et donc oui, j'ai toujours été hôtelier dans cette ancienne école. Et oui, donc hôtelier, l'école de Bonnefontaine. Bonnefontaine, voilà. Voilà. Donc c'est là du coup que se trouve du coup ton atelier. C'est ça. Ok. Et donc, avant d'approfondir encore plus le sujet, quel a été ton parcours personnel? Est-ce que tu as fait des études d'art ou est-ce que tu es, on va dire, le total autodidacte? Alors, autodidacte, non, on ne peut pas dire ça parce que j'ai quand même fait, dans un premier temps pour le verre, des formations courtes, par exemple au CERFAV, donc c'est le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Qui se trouve en Lorraine, à Vannes-le-Châtel, et qui est un pôle verrier, vraiment. Donc voilà, pour la partie verre. Et puis je suis aussi allée faire des stages chez des artisans que je connaissais via mes parents, en fait, qui eux-mêmes sont aussi dans les domaines artistiques, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Et donc, voilà, je n'ai pas été dans des écoles d'art à proprement parler, mais je ne suis pas autodidacte non plus, j'ai pris des cours. Et ensuite, pour le travail du métal qui est plus récent pour moi, J'ai fait un an de formation, en fait, un dispositif de transmission de savoir-faire rare et d'excellence. Voilà, c'est un peu pompeux comme nom, mais en fait, c'est une formation non diplômante, mais qui est proposée par la région Grand Est et la FREMA, la Fédération des métiers d'art d'Alsace. Et donc, c'est uniquement sur le Grand Est. D'accord. Et en fait, ça consiste à ce que, en tant que futur formé, on trouve soi-même son futur maître d'apprentissage. Et donc, pendant un an, on sera dans l'atelier de cet artisan créateur et qui a une pratique qui ne doit pas être enseignée, en fait, dans les écoles d'art à proximité. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de rare et d'excellence. Vraiment, c'est parce que c'est des disciplines un peu particulières. Donc, moi, l'année pendant laquelle j'ai fait ce dispositif, on était 11. D'accord. Sur toute la région Grand Est, et donc tous dans des domaines différents. Et à côté de ça, il y a aussi... donc c'est vraiment une formation qui est destinée à des futurs créateurs ou repreneurs d'auto-entreprises dans le domaine de l'artisanat d'art. D'accord. Des métiers d'art et... voilà. Ok. Donc du coup, c'était, j'imagine que du coup, c'était une volonté de ne pas être autodidacte, vraiment de se faire former. Oui, quand même, parce que je trouve que dans les métiers d'art, il y a une... Enfin, voilà, déjà la définition du métier d'art, c'est d'avoir une pratique et de transformer la matière, mais avec une technique ancestrale, ou enfin, en tout cas, qui existe déjà, qu'on peut adapter chacun à sa manière, bien sûr, mais voilà, il faut avoir un savoir-faire. Donc, oui, il y a quand même toujours une nécessité d'apprendre les gestes, même à comprendre la matière qu'on travaille, et je pense que pour ça, il faut vraiment quand même une transmission. Et un apprentissage, voilà. Mais je pense pas qu'il soit obligatoire de passer par les écoles d'art, par contre. D'accord, c'est le choix de chacun, du coup. Oui, exactement. Ok. Et donc, justement, tu parles de tes parents. Donc, est-ce que tu es issu d'une famille d'artistes et ou d'artisans qui t'a, en quelque sorte, transmis cette passion ? Alors, oui, c'est assez peu courant, mais en fait, mes parents sont tous les deux dans le domaine... ma maman plutôt métier d'art et mon papa est artiste, lui. D'accord. Et donc mon père est peintre et graveur et ma maman, elle, est laqueur. Et de formation, à la base, elle est peintre sur porcelaine. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir accès depuis toujours, de par les expositions, les personnes, les amis de mes parents qui étaient dans des domaines très différents... dès l'heure, mais toujours dans le domaine artistique, d'avoir accès à plein de matériaux, plein de métiers, en fait, dans ce domaine-là. J'ai essayé de passer un peu par un autre chemin pendant une période. Je m'intéressais beaucoup au cinéma, plutôt, et à tout ce qui était de l'audiovisuel, en fait. Mmh. Mais bon, finalement, voilà, je suis un peu retombée sur mes pieds en ayant vraiment besoin d'un retour à la matière. D'accord. Donc ça s'est présenté presque comme une évidence que tu t'orientes toi aussi vers un métier d'artiste ou artisan. Oui, ça a mis un peu de temps pour vraiment que je trouve les matériaux qui me convenaient et le domaine exact dans lequel je voulais aller. Et j'évolue encore beaucoup, d'ailleurs, pour l'instant. Une évidence... peut-être pas, mais quand même, c'est quelque chose dont j'ai eu besoin aussi à un moment. D'accord. Et donc, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, notamment grâce aux différents documents que tu m'as envoyés par mail en amont de cette émission, j'ai eu l'occasion de lire qu'à l'atelier de Salem, tu fais du coup, comme tu l'as dit, des bijoux, des objets précieux, des sculptures, des ornements, du verre à la flamme, et que tu travailles même les arts du métal. Donc, pourquoi avoir fait le choix de t'orienter vers ces créations en particulier ? Alors, le bijou, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai une inspiration, en fait, qui est très variée et qui vient de plein de milieux, enfin de choses plutôt un peu tribales, ethniques, en fait. J'aime beaucoup les arts africains, l'Océanie, des choses assez anciennes, on va dire, mais... Mais l'aspect précieux du bijou, le côté ornemental et pouvoir rendre quelqu'un heureux en portant quelque chose de beau dans l'idéal, voilà, ça m'attirait. Après, pour ce qui est de l'objet, et de la sculpture, ça c'est aussi un besoin pour moi. Voilà, c'est un peu toujours cette même démarche. J'ai besoin d'essayer de créer de belles choses qui peuvent apporter à quelqu'un une espèce de douceur, une satisfaction, ou la faire rêver, voilà. D'accord. Et okay. Pour le verre, pour le métal, je sais pas, ça c'est vraiment les matières qui m'ont attiré. Depuis le départ. Voilà. Ok. Et justement, on parle des bijoux, mais nous, l'avantage en radio, c'est qu'on peut voir nos invités. Ceux qui nous écoutent, ils ne te voient pas, oui. Ils ne me voient pas non plus. Et je peux voir sur toi que tu as beaucoup de bijoux également. Oui. Donc c'est une passion. Depuis toujours, tu es passionné par tout ce qui est bijoux, bijouterie. Oui, en tout cas, moi, personnellement, j'aime en porter, c'est sûr. Mais pas forcément les miens, pas toujours les miens. D'accord. Et oui, c'est ça. Enfin, l'embellissement du corps, l'esthétique, oui, c'est quelque chose d'important pour moi. Et donc, comme nous venons de le dire, donc, du coup, tu fabriques, tu crées des bijoux, des objets précieux, etc. Donc, j'imagine que ça représente et que ça demande une grande rigueur et une grande minutie. Oui, oui. Il y a des gens qui travaillent de manière très différente. Moi, je sais que je suis très, très exigeante dans ce que je réalise. Je passe des fois trop de temps, d'ailleurs, pour une même pièce, parce que j'y reviens, parce que à partir du moment où je suis pas suffisamment satisfaite, parce qu'on l'est jamais complètement, je pense, dans ces domaines-là. Il y a vraiment une recherche en fait constante de faire mieux, mais on sera jamais satisfait à 100% de ce qu'on fait, je crois. Et c'est ce qui nous pousse à aller plus loin, en fait. Voilà, oui. Donc, y a des gens qui aiment le travail très brut, et qui du coup, ont une exigence moins poussée sur le détail ou la finition. Moi, par contre, je sais que pour ma part, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, est-ce que tu dirais que tu es une artiste perfectionniste ? Oui, oui, oui, vraiment. D'accord. Et donc, combien de temps ça te prend pour réaliser une création ? Parce que j'imagine que ça dépend de ce que tu fais. Oui, ça dépend vraiment de ce que je fais. Je peux pas donner vraiment d'exemples précis, parce que souvent, voilà, moi j'ai une manière de fonctionner un peu particulière, c'est-à-dire que je ne commence pas une chose que je finis tout de suite. En fait, j'ai plusieurs choses en cours de manière simultanée. D'accord. Que je finis, chacune à son tour. Mais en termes de temps de travail, je sais pas, par exemple, sur un objet, plutôt un objet ornemental, une sculpture, je peux passer des fois un mois complet, plusieurs semaines en tout cas. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine, de patience. J'imagine. Et donc, comme tu le dis, tu ne te concentres pas sur une seule pièce, mais sur plusieurs à la fois. Pourquoi cette envie de te concentrer sur plusieurs choses à la fois et pas sur une seule ? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, quand on commence quelque chose, qu'on ne fait qu'une pièce à la fois, en fait, on a tendance à trop la voir, trop la regarder. Et on finit par ne plus l'aimer ou par vraiment en avoir marre de la voir finalement à la fin, une fois qu'on est enfin arrivé à la terminer, en fait. Et donc c'est pour ça que faire plusieurs choses à la fois, ça peut permettre de regarder un peu plus légèrement, on va dire, chaque chose indépendamment. D'accord. Et de plus supporter, d'arriver jusqu'au bout de la pièce, en fait. Voilà. Donc, mais tu ne te perds jamais, du coup, entre chaque... Si, ça arrive, bien sûr. Mais il y a même des choses, des fois, qu'on commence et qu'on ne finit jamais, parce que finalement, en cours de route, pareil, on les trouve beaucoup moins bien que ce qu'on trouvait au départ. Et puis, on s'arrête. Et puis, des fois, on les reprend plus tard. Enfin, voilà. C'est très aléatoire, du coup. Quand même. C'est ça. Ok. Maintenant, je vais te donner un nom qui a, je crois, eu une grande influence dans ta vie jusqu'à présent. Si je te dis le nom de Jean-Pierre Bacquer. Oui, Jean-Pierre, c'est vrai que c'est grâce à lui que j'ai découvert le matériau vert, en tout cas le vert comme je le travaille, à la flamme, au chalumeau. D'accord. Et donc, Jean-Pierre est décédé il y a quelques années maintenant. Et c'était vraiment pour moi un des grands maîtres de la verrerie, ce qu'on appelle les flaconniers en France. Donc en fait c'est du soufflage mais au chalumeau, donc c'est différent de la technique du soufflage à la canne. D'accord. Il avait un travail incroyable et c'était un très bon pédagogue aussi. Il a formé énormément de gens en France. Il a fait beaucoup pour justement les filières verts et verts au chalumeau en France. Voilà, c'était un des grands noms vraiment. Et moi, il m'a beaucoup inspiré. J'ai fait des stages enfants avec lui. Des stages d'été pendant que ma maman elle faisait de la laque, moi j'étais avec Jean-Pierre dans son atelier et voilà, on était plusieurs enfants à qui il transmettait le travail de la perle au chalumeau et ça m'a beaucoup plu et en fait j'ai un peu oublié pendant quelques années, je n'y ai plus repensé et finalement le jour où j'ai réessayé, là oui ça m'a vraiment plu à nouveau. Voilà. D'accord. Bah, du coup, Jean-Pierre Bacquière, dont on salue la mémoire, d'où il est. Voilà. Donc, il est 14h, presque 17. Avant d'approfondir encore plus le sujet, je te propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que tu as choisie. Oui. Nous allons écouter la célèbre chanteuse Nina Simone, dont d'ailleurs plusieurs de ses titres sont en rotation chez nous régulièrement à Radio Guémozo. Et nous allons écouter son morceau Ain't Got No, I Got Life, pour donner les quelques références comme j'aime bien le faire. Cette chanson est plutôt typée jazz, soul, je dirais. Elle est sortie en 1968 et elle est tirée de l'album Nuff Said, je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, voilà, de Nina Simone, album sorti en 1968 également. Donc du coup, on écoute Nina Simone avec son titre Ain't Got No, I Got Life et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h20, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers car je sais qu'on nous écoute en Belgique, en Suisse, en Allemagne et même au Québec. Voilà. Vous venez d'écouter Nina Simone avec le titre Ain't Got No, I Got Life. du premier coup. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Solène Roland de l'atelier de Salem, qui est là pour nous parler du coup de l'atelier de Salem et de tout ce qu'elle fait. Ça va toujours ? Oui, oui. Parfait. Donc, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau de Nina Simone en particulier ? Alors, pour moi, c'est une chanson qui est à la fois est triste au départ parce qu'elle parle des inégalités, sûrement de la ségrégation raciale aussi à son époque, voilà. Mais finalement, quand on regarde la traduction des paroles, elle dit « je n'ai pas eu, mais en fait, on ne peut pas m'enlever, par exemple, mon corps ». Ma vie, et puis elle parle aussi de sa féminité, et pour moi c'est quelque chose de très important, et c'est vrai que c'est une chanson que je trouve belle et motivante finalement, parce que voilà, elle explique qu'on n'a pas besoin finalement de tant de choses comme ça que ça pour être pour aller bien. Tout simplement. Oui, parce qu'il me semble que Nina Simone, c'était une chanteuse très engagée. Oui, elle a été un peu obligée de l'être parce que en fait, elle a eu vraiment, elle a souffert énormément de la ségrégation pour sa part et du racisme à l'époque parce que elle a fait des études classiques en fait et c'était une des rares noires américaines à en faire à l'époque et elle voulait être pianiste. Professionnelle, classique, et en fait on lui a fermé les portes partout parce que voilà, le classique n'était pas adapté soi-disant pour la population noire, et voilà, c'est terrible, mais finalement elle a quand même eu la reconnaissance et elle l'a encore aujourd'hui qu'elle devait avoir d'après moi. D'accord, donc nous allons reprendre du coup le cours de cette émission. Donc comme tu l'as dit en début d'émission, ton atelier se trouve dans l'ancienne école de Bonnefontaine Autoly, donc que tu as racheté avec ton compagnon. Mm-hmm. Donc pourquoi avoir voulu récupérer ce bâtiment du coup pour y installer ton atelier ? Alors on a fait très peu de visites en fait dans le secteur. Bon, alors déjà c'est d'un point de vue de l'endroit où c'est localisé, mais c'était aussi vraiment un peu un coup de foudre pour moi, parce que voilà, une ancienne école, il y a deux anciennes salles de classe du coup, et c'est vrai que pour des ateliers et une éventuelle salle expo, un peu showroom, c'est des espaces magnifiques parce que très grands, il y a de très grandes ouvertures, et moi j'avais besoin d'un endroit avec de la lumière pour ce que je fais, pour mon métier. Voilà, on a besoin d'espaces un peu particuliers qui ont un certain charme. Mmh. Voilà. Et c'était la raison première. Donc du coup, pour y installer ton atelier, tu as dû peut-être réaménager, changer l'immeuble de place ? Oh oui, ben beaucoup. Et puis je l'ai fait à plusieurs reprises en plus, parce que voilà, au début, aménager un atelier, c'est aussi un apprentissage vraiment, pour qu'il soit suffisamment fonctionnel et qu'on perde le moins de temps possible, que les outils soient au bon endroit, en fonction de ce qu'on a à faire. Surtout que vu que moi, je travaille quand même deux matériaux très différents, j'ai vraiment deux espaces bien distincts dans mon atelier, c'est encore en cours, finalement c'est toujours en cours de réaménagement, parce qu'on trouve des choses à mieux disposer, à un meilleur endroit, voilà. Pour optimiser le plus possible. Exactement. Non seulement le temps et l'espace de travail. Oui. Et du coup d'ailleurs, cet atelier, je crois que tu le partages avec quelqu'un. Pas pour l'instant. En fait, mon compagnon a aussi son atelier dans notre maison, mais qui est provisoire pour le moment. D'accord. Et en fait, on a un petit hangar en contrebas de notre maison, mais dont la mairie du Tolly se sert encore pour l'instant comme local d'entrepôt du matériel des fêtes, mais dans lequel, à terme, Guillaume, mon compagnon, fera son atelier à lui. Donc lui, il travaille le métal aussi, mais il est soudeur de formation et il s'intéresse aussi à la forge. Voilà, donc... Est-ce que, par exemple, quand tu fais une création, tu as déjà demandé son avis, du coup, à Guillaume pour savoir ce qu'il en pense ou pas ? Oui, bien sûr. Bah, souvent, on se conseille mutuellement. On attend toujours un peu de nos proches bien sûr. Des critiques, qu'elles soient positives ou pas. Mais en tout cas, qui peuvent être constructives. Et moi, je sais que la personne à laquelle je fais le plus appel pour ça, pour avoir des critiques, des avis et des conseils, c'est ma maman. On travaille beaucoup ensemble, ne serait-ce que pour ça, pour cet aspect-là, de se donner des conseils ou de dire si on aime bien une pièce que l'une a fait ou pas. Voilà. Et en plus, maintenant, on commence à travailler ensemble vraiment sur des créations, en fait, avec ma maman depuis peu. On a d'ailleurs une exposition prochainement qui recommence bientôt, où on a fait pour la première fois des objets vraiment d'ornement, des objets précieux à deux. D'accord. Voilà. Donc, on a fait une série ensemble et on fait aussi des bijoux à quatre mains. Et ça nous plaît beaucoup, toutes les deux. Mais voilà. Ah, donc, justement, tu as devancé ma prochaine question. C'était, je te demandais si, du coup, si tu avais déjà fait des collaborations avec d'autres artistes. Donc du coup, oui. Oui, mais du coup, c'est plutôt familial, majoritairement avec ma maman. Pour l'instant, avec mon papa, on n'a pas vraiment fait de choses ensemble. Mais par contre, ça nous arrive de travailler dans un espace commun. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Des collaborations avec d'autres personnes. J'en ai fait une seule avec une amie à moi, mais sur un bijou que j'ai gardé finalement. Mais en tout cas, j'y suis ouverte, oui. On a peut-être des projets avec d'autres amis aussi, ou dans le bijou, ou dans l'objet. Voilà. Mmh. Et donc, est-ce que tu as déjà, du coup, tu as fait une seule collaboration, mais est-ce que à l'avenir, tu aimerais par exemple travailler du coup sur une création avec ton copain qui travaille aussi du coup le métal? Oui, j'aimerais bien. Alors, pour l'instant, des fois, on a du mal à s'entendre parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis très perfectionniste. Et Guillaume est peut-être un peu moins regardant vis-à-vis des détails, des finitions pour l'instant. Mais j'aimerais beaucoup, oui, qu'on fasse des choses ensemble, bien sûr. Ça pourrait renforcer, du coup, le côté, non seulement le côté couple, mais également le côté... collègues plus ou moins. Oui, bah, bien sûr. Mais je pense que de toute façon, on fera moins de choses communes que de choses chacun de son côté. Bien sûr. Et donc, du coup, nous le rappellerons également à la fin de cette émission, mais en faisant toujours mes recherches, j'ai cru comprendre que ton atelier était ouvert au public. Oui, officiellement il l'est, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on est en plein travaux en fait en ce moment, et du coup je compte plutôt réouvrir l'année prochaine. Alors j'ai pas de date exacte, mais dans tous les cas c'est sur rendez-vous téléphonique ou par mail. Voilà, je reçois jamais tout de suite en direct. Bien comme sûr. Ça parce que il suffit que je sois sur un déplacement ou voilà, donc c'est toujours sur rendez-vous, mais ce sera plutôt pour en courant d'année prochaine. D'accord. Que je réouvrirai au public. Et donc si jamais certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs seraient intéressés pour découvrir ton atelier du coup l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils pourront découvrir? Alors je propose des démonstrations de verre au chalumeau dans D'accord. mon atelier. Mais c'est surtout alors je peux travailler selon différentes techniques qui peuvent intéresser plus les personnes si elles ont une volonté particulière de découvrir, ou ce qu'on appelle le filage, donc là c'est vraiment le travail plutôt de la perle, ou bien le soufflage aussi au chalumeau, que je pratique beaucoup moins moi personnellement, mais que voilà, que je peux montrer quand même. Voilà, et aussi je peux expliquer des choses sur le métal et sur ma manière de fonctionner dans mon travail, et présenter mes créations aussi. Donc pour partager tes connaissances comme ton mentor t'a partagé les siennes à l'époque. Oui, bien sûr. Bon, pour l'instant je ne forme pas moi, mais voilà, en tout cas on peut avoir au moins une première approche. Avec une démonstration ou des explications. Et donc justement, peut-être former à l'avenir, est-ce que ça te tenterait ou pas forcément? Si, pourquoi pas, bien sûr. Pour l'instant, déjà d'un point de vue pratique, c'est pas trop possible pour moi, parce que voilà, il faut un espace un peu dédié pour recevoir quelqu'un. Mais si, j'aimerais beaucoup transmettre, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Mais moi, personnellement, pour l'instant, je trouve que j'ai encore beaucoup à rechercher, à développer dans mon travail personnel pour pouvoir enseigner, parce que il faut quand même avoir une certaine maîtrise en fait bien sûr. Pour pouvoir prétendre à la transmission. D'accord. Donc il est 14h30, avant de parler d'un salon qui a lieu cette semaine, je te propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale que tu as choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois-ci le chanteur français d'origine italienne Sanseverino, avec son morceau intitulé Frida. Une nouvelle fois, en référence à Frida Kahlo, j'imagine. Oui, donc, enfin, oui, c'est ça, c'est Frida... Enfin, on entendra dans les paroles. Oui, on en parlera juste après, du coup. Oui. Donc, une nouvelle fois, au niveau des quelques références, cette chanson est plutôt typée jazz français, je suppose, j'imagine. Elle est sortie en 2002 et elle est tirée de l'album intitulé Le Tango des gens de Sanseverino, album sorti le lundi 20 mai 2002. Alors, du coup, on écoute ce titre et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 4 minutes. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo après Sanseverino. Dans les bureaux, que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruants. Ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah! Est-ce que tu crois hein, qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver un fils, un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement, il y a Frida. La fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Tout ça aussi c'est du boniment. Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retoule les boutons, c'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé quand il se passe rien, tout va très bien mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Et Piccoli, quand en 3 mois ils ont gagné des bifetons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment. Y'a des questions que je me pose, des questions que je me pose. vous êtes de retour sur Radio Gémozo. Vous êtes toujours en direct, bien sûr, comme tous les jours. Il est presque 14h36. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogémozo.radio-website.com/partout-en-France. Et vous avez l'habitude peut-être même dans les pays frontaliers. Vous venez d'écouter San Severino avec son titre Frida et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Solène Roland de l'atelier de Salem qui est là pour nous parler de l'atelier de Salem justement et de tout ce qu'elle fait. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie ? Oui, très bon. Parfait. Donc, même question que pour la précédente pause musicale, pourquoi avoir choisi d'écouter ce titre ? Alors, déjà, San Severino, c'est un chanteur que j'adore. Que ce soit dans... Enfin, un peu tous ses albums. J'ai beaucoup écouté. C'est mon papa qui m'a fait découvrir San Severino il y a des années, quand j'étais petite. D'accord. Et je trouve que c'est un parolier génial. Et Frida, parce que... oui, c'est ça, c'est un peu un espèce d'idéal de la femme. Et en même temps, voilà, il répète sans arrêt. Il y a des questions que je me pose. Et finalement, je trouve que je me pose un peu les mêmes que lui, je pense. Donc voilà, chanson que j'aime beaucoup. D'accord. Et donc justement, un petit peu plus tard dans cette émission, nous allons écouter un autre grand parolier que tu as choisi une nouvelle fois, mais je laisse la surprise à nos auditrices et auditeurs. Donc du coup, on va reprendre cette émission. Donc comme je le disais avant le début de cette émission, pas du tout, avant cette pause musicale, dans quelques jours, nous pourrons déjà te retrouver au salon de la création et mode, salon intitulé Cousu de fil rouge, à la rotonde de Thaon-les-Vosges. Donc il me semble d'ailleurs que c'est cette semaine. Oui, c'est ça, ça sera ce week-end, donc c'est vendredi, samedi et dimanche. Donc oui, c'est ça, la rotonde de Thaon. Et il y a une soixantaine d'exposants, donc ce qui est beaucoup. Donc c'est quand même sûrement un bel espace et que je ne connais pas pour l'instant. Donc ce sera la première fois que je participerai à ce salon. Et voilà, je crois que la sélection d'exposants est très, très diverse, très variée et de belle qualité aussi. Mmh. Donc les visiteurs, du coup, ils pourront un petit peu découvrir ce que tu fais, ton travail. Oui. Déjà avant, pourquoi pas aller visiter ton atelier d'ici l'année prochaine. Oui, oui, tout à fait. Et voilà, c'est aussi un salon de vente sur place. Donc voilà, s'il y a des envies de faire des cadeaux ou de s'en faire à soi-même, c'est possible aussi, bien sûr. Et donc justement, en parlant de vente, on va parler un petit peu prix. Mm-hmm. Au niveau de tes créations, quelle est à peu près la fourchette de prix que tu fais ? C'est très large. Bon, moi, je sais que mes prix ne correspondent pas à tous les publics, malheureusement. Mais voilà, au vu du temps et de la quantité de travail, je ne peux pas me permettre des fois de faire moins, en fait, moins élevé. Mais alors, oui, c'est très, très varié parce que, par exemple, pour des objets de la sculpture, on peut aller jusqu'à 3000 euros, des choses comme ça. Et pour du bijou, je dirais que mes prix les moins élevés sont de l'ordre de 80 à 90 euros. Voilà. D'accord, oui, parce qu'il y a, comme tu dis, il faut compter du coup les matières premières, la main-d'œuvre, le temps de travail que tu passes dessus, que ce soit en heure ou en jour, voire en semaine ou en mois. Oui. Donc c'est vrai que ça peut paraître cher, mais quand on réfléchit derrière tout ça, avec tout ce qu'il y a derrière, ça peut se comprendre du coup. Les prix que tu proposes. Oui. Et donc, justement, pour ce salon cousu de fil rouge, comment s'est passée la prise de contact avec les organisateurs pour que tu puisses exposer lors de ce salon ? Est-ce que c'est toi qui as contacté les organisateurs ou est-ce que ce sont eux qui sont venus te chercher ? Alors, j'ai rencontré, il y a un peu plus d'un an maintenant, Isabelle Aubertin, qui travaille à la Chambre des métiers et de l'artisanat des Vosges. Tout à fait. Et qui est superbe, je trouve, parce qu'elle est très efficace et elle, en fait elle cherche vraiment à mettre en avant les métiers d'art dans le département des Vosges et je pense qu'il y a vraiment besoin d'en créer davantage finalement des événements comme celui-ci et donc c'est elle qui m'a fait part de l'existence de ce salon et qui m'a proposé en fait d'y participer, d'y exposer et bien sûr j'avais très envie aussi donc voilà. Mais sinon pour d'autres expositions, d'autres salons, ça peut être à nous de prendre contact avec l'organisme qui a créé l'événement et d'envoyer un dossier et voilà. Justement, la CMA, donc la Chambre des métiers et des arts et artisanat, c'est justement sur leur site internet que j'ai trouvé ton contact et que je t'ai contacté. Du coup, c'est grâce à eux, indirectement, on va dire que cette émission a lieu aujourd'hui. Voilà, donc si je n'avais pas trouvé ce site, cette émission n'aurait jamais eu lieu, ça aurait été bien dommage. Et donc, du coup, ce salon Cousu de fil rouge, est-ce que c'est ton tout premier salon ou est-ce que tu en as déjà fait avant ? Alors, j'ai participé à un salon en Alsace l'année dernière en tant que jeune créateur. D'accord. Et donc, invité, en fait. Donc on ne paye pas l'emplacement. Et donc c'était à Aubernay. Et ça s'appelle Haut la main. D'accord. Et c'est un plus petit salon, il y a un peu moins d'exposants, mais qui est pareil, de très bonne, très belle qualité. Et là, on était, je ne sais plus, une trentaine, je crois, d'exposants. Et sinon, j'ai fait quelques expositions, plutôt des portes ouvertes aussi avec mes parents, déjà, à plusieurs reprises. Souvent, l'hiver, avant la période des fêtes, on fait des portes ouvertes en commun, en famille. Voilà. Donc justement, tu me tends la perche une nouvelle fois en parlant des périodes de Noël, car toujours grâce aux différents articles de presse et autres informations que tu m'as envoyées en amont de cette émission, j'ai également eu l'occasion d'apprendre que le mois prochain, donc en décembre, tu organises différents ateliers de Noël. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bah alors justement, c'est nos ateliers de Noël habituels avec mes parents, donc ça se passera en Alsace, dans l'atelier de mon papa. D'accord. Et donc on sera quatre en tout, donc il y aura les travaux de mon papa, de Isa Amberger, une amie de mes parents qui est céramiste et graveur aussi et peintre, le travail de mon compagnon Guillaume, donc métal, assemblage, plutôt sculpture et objets, et mon travail à moi aussi, et certaines pièces en collaboration, plutôt bijoux, avec ma maman. D'accord. Voilà. Donc vous serez les seuls, avec ta famille et ton copain, vous serez les seuls exposants ? Oui, c'est ça. Et avec notre ami, du coup. Et avec Isa Amberger. Oui. D'accord. Ok. Et donc... tu as déjà un petit peu répondu également, mais je vais quand même te reposer la question. Avec l'atelier de Salem, est-ce que tu as déjà été sollicité par d'autres ateliers ou d'autres associations pour faire comme une collaboration entre gros guillemets ou pour assister et participer à une quelconque organisation ? Oui, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'on me demande si déjà je faisais éventuellement de la sous-traitance pour de la découpe de métal. Alors, mais malheureusement, la plupart du temps, j'ai plutôt dû refuser parce que en termes de temps en fait et de prix pour ces personnes qui me demandaient, c'était trop élevé. Ou que j'avais des événements prévus à la période à laquelle on me demandait de participer à ce genre de choses. Mais j'espère éventuellement pouvoir répondre un jour à quelqu'un, à un projet, si ça m'intéresse. Bien sûr, parce que, comme tu l'as dit en début d'émission, l'atelier Salem, il n'a que 1 an et demi. Oui. Donc du coup, tu as encore... de belles années devant toi pour répondre aux différentes invitations, etc. Bien sûr. Et je crois également savoir qu'il existe un autre moyen de création, plus du coup c'est ta mère qui le pratique, c'est la laque. Oui. Donc, bon, je vais poser une question un peu rhétorique, mais j'imagine qu'on ne parle pas de la même laque que celle qu'on met dans les cheveux. Non, pas du tout. Est-ce que peut-être tu peux nous en parler un petit peu, si tu connais un petit peu le moyen ? Oui, bien sûr. Mais alors, en fait, c'est aussi un matériau que je commence à travailler, moi. D'accord. Mais depuis peu, et sur le métal. Alors que, traditionnellement, c'est plutôt un matériau, une matière, qu'on travaille sur une base en bois ou en corne. Enfin, voilà, il y a plusieurs supports possibles. Mais sur le métal aussi, c'est possible. Et donc, en fait, la laque, c'est une technique ancestrale qui, à l'origine, est asiatique, vient d'Asie. Et donc, en fait, ça a un aspect final très brillant, traditionnellement. Et en fait, c'est un procédé où on va superposer des couches et des couches de pigments mélangés à certains types de vernis, qu'entre chaque couche, on va poncer et polir, de sorte à avoir cette espèce d'effet de profondeur et de transparence ensuite. Donc, je donne souvent cet exemple, mais parce que c'est un peu le plus commun. Par exemple, le mobilier IKEA, les cuisines IKEA rouges, brillantes, c'est de la laque, mais de la laque industrielle. Donc là, il n'y a pas de ponçage entre chaque étape et c'est pulvérisé au pistolet. Mais sinon, la laque traditionnelle, c'est au pinceau. Et donc, voilà, c'est des couches et du ponçage et du polissage énormément, mais tout à la main. D'accord. Et c'est une technique très, très longue, assez fastidieuse aussi, mais qui a un rendu final absolument superbe. Mmh. Donc du coup, cette étape de ponçage, elle est importante, je suppose. Ah, elle est essentielle, oui, vraiment, si on veut obtenir quelque chose de lisse qui définit vraiment la laque au départ, oui, elle est tout à fait essentielle. Mmh. Et donc du coup, comme tu l'as dit, durant toute cette émission, du coup, c'est surtout ta mère qui pratique la laque, et toi, du coup, tu viens de le dire, tu commences à la pratiquer, donc j'imagine que ta mère t'aide. Oui, elle me conseille beaucoup, mais en fait, moi, je travaille un produit différent de ceux qu'elle utilise, elle, majoritairement. D'accord. Donc, ma maman travaille ce qu'on appelle la laque française, qui existe depuis le 18e siècle, qui a été... en fait, c'est une histoire de vernis. Un vernis qui a été inventé par les frères Martin, donc au 18e, et qui a permis d'imiter la laque dite... la laque végétale qui existe en Asie depuis très longtemps et qui elle est très très allergène et dans laquelle il existe peu de variantes de couleurs. En fait, il y a une très petite gamme chromatique en laque végétale, alors que les vernis Martin, ça a permis d'utiliser une gamme chromatique bien plus variée. Et donc moi, la laque que je travaille depuis peu sur métal, c'est une laque qui est traditionnellement utilisée en horlogerie pour tout ce qui est cadran de montre et tout ça, et dont l'aspect final peut être un peu différent parce qu'il peut être mat comme brillant. Et pareil, là, la gamme chromatique est assez énorme. Et c'est un produit qui a une dureté, aussi une résistance par la suite... Donc, qui est très adapté aux bijoux aussi, à des pièces à porter. Voilà. D'accord. Et donc, durant toute cette émission, on le comprend et on l'entend que tu es vraiment passionné par ton métier. Et on comprend pourquoi, on comprend facilement pourquoi, grâce à tout ce que ça comporte, les techniques, etc. Mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Est-ce que c'est la diversité des créations, la diversité des matériaux utilisés ou autre chose? Alors oui, la diversité des techniques et des matériaux utilisés, bien sûr, ça a une importance énorme pour moi, mais finalement je crois que il y a un aspect presque thérapeutique en fait dans la création. D'accord. Pour beaucoup en tout cas de créateurs, voilà, cette possibilité de se poser, de se concentrer et de faire émaner quelque chose d'une réflexion pour arriver à un objet fini, à quelque chose qui plaira éventuellement à quelqu'un d'autre et que cette personne aura envie de posséder, en fait. Moi, je crois que c'est plus cet aspect-là, c'est de... Oui, la passion, mais qu'une pièce qu'on a créée peut provoquer chez quelqu'un. D'accord. Chez un public, que le fait que ça puisse toucher quelqu'un et le porter, en fait, lui faire imaginer des choses, voilà. J'imagine que c'est quand même gratifiant de voir quelqu'un porter une de tes créations. Ah oui, très, toujours, bien sûr, c'est plaisant et c'est assez, on est flatté, en fait, vraiment. Pareil, enfin voilà, c'est des métiers où peut-être qu'on cherche aussi un peu de la reconnaissance, bien sûr. Mais oui, ça a vraiment quelque chose de très agréable de voir que déjà une pièce qu'on a faite est bien portée ou bien mise en valeur dans un intérieur et qu'elle plaît toujours autant à la personne que le jour où elle a voulu l'acquérir ou qu'elle l'a vue la première fois. Enfin, voilà. Mmh. Et donc, en préparant cette émission, donc, je suis également allé voir sur ton site internet www.lateliersdesalem.fr. .com. Ok, bon. Et j'ai eu l'occasion de lire, je cite, « L'atelier de Salem se définit par une approche contemporaine des métiers d'art, associant variété d'inspiration, techniques multiples et association des matériaux, dans une recherche constante d'expérimentation pour des créations poétiques d'une grande beauté. » Fin de citation. Donc, qu'est-ce que tu veux dire à travers cette phrase, à travers ce petit paragraphe? Alors déjà une approche contemporaine des métiers d'art parce que je pense que j'ai une Mais de par mes inspirations, en fait, je crois, j'ai un univers assez particulier, assez inhabituel, par son côté un peu tribal ethnique, mais aussi par toute l'utilisation que j'ai et que je fais des couleurs, en fait, des associations de couleurs, de plus en plus, là, avec la laque, justement. Les motifs aussi que j'emploie, qui sont peut-être assez inhabituel. Ensuite, poétique et... Enfin, oui, je suis toujours en recherche constante pour amener une poésie le plus possible. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus par rapport à cette phrase. Je perds mon casque. C'est déjà bien, bien répondu, je trouve. Donc, il est 14h51. Nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de poursuivre encore un peu à nouveau, je te propose de nous lancer directement dans une troisième fréquence musicale de ton choix une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois-ci cet autre grand parolier dont on parlait un peu plus tôt, l'écrivain, du coup, l'écrivain, poète, parolier, chanteur, critique musical, musicien de jazz et directeur artistique français Boris Vian, avec son morceau La Complainte du Progrès. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, ce morceau est sorti en 1955. Et de quoi parle cette chanson ? Il s'agit simplement d'une critique satirique de la société de consommation qui commence alors à se développer en France. En effet, nous sommes à la moitié des années 50, c'était à peu près à cette période que la société de consommation commençait à se développer. C'est un texte qui a reçu de bonnes critiques à l'époque, notamment par l'équipe de la revue hebdomadaire intitulée Art à RTS, dont le dernier numéro a été publié en 1966 et au moment du Salon des Arts Ménagers, organisé du jeudi 23 février 1956 au dimanche 18 mars de la même année. Donc voilà, c'est bien complet, bien d'informations. Donc on écoute cette musique et on se retrouve juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Plainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous ? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repasse limace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Il ne faut pas me faire des peurs comme ça, je pensais que j'avais raté la fin de cette chanson. Donc la complainte du progrès de Boris Vian sur Radio Guémozo. Vous êtes bien sûr de retour, il est 14h55 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radioguemozo.radio-website.com/partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Comme ça, je suis sûr que les auditrices et auditeurs seront au courant, vu que je le répète à chaque fois. Voilà, nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux du coup de Solène Roland de l'atelier de Salem qui est là pour nous parler du coup de l'atelier de Salem et de tout ce qu'elle fait. Tout est toujours bon pour toi ? Très bien. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes fréquences musicales, tu es habituée désormais. Pourquoi avoir choisi ce morceau de Boris Vian ? Alors, oui, ben, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un parolier incroyable, Boris Vian, un homme de lettres, un musicien aussi superbe. Et en fait, mon père m'a fait écouter du Boris Vian quand j'étais, pareil, toute petite. Et c'est une chanson qui me fait penser tout de suite à lui, parce que c'était un peu notre chanson quand j'étais enfant. Je ne la comprenais pas forcément à cette époque-là, mais j'en retenais les paroles. Et en fait, il y avait un passage sur lequel on rigolait beaucoup. Donc, c'est la fameuse tourniquette pour faire la vinaigrette. Mais finalement, maintenant que j'en comprends les paroles, elle me fait toujours rire parce que, oui, effectivement, c'est une chanson, une vraie satire mais qui est très humoristique aussi en fait sur le début de la société de consommation et ce que ça engendre dans le couple et dans les relations amoureuses. Mais je trouve ça à la fois très drôle et assez terrible parce que oui, à cette époque-là, vraiment la ménagère qui avait besoin de son frigo, de son atomixeur, enfin voilà, des choses pas possibles et puis en plus un peu surréaliste. C'est une des spécialités aussi de Boris Vian, le surréalisme, et je trouve ça superbe, cette énumération, cette liste d'objets incroyables. Voilà. Donc justement, Boris Vian est également dont on salue la mémoire, qui est décédée il y a quand même plusieurs dizaines d'années maintenant. Donc, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission, il va être 14h58. Et y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Pour ma part, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Voilà. Et donc, si nous voulons te suivre et suivre ton actualité, comment pouvons-nous faire ? Alors, déjà, il y a mon site internet, donc www.latelierdesalem.com. J'ai aussi une page Facebook au même nom, l'Atelier de Salem, et aussi un Instagram, pareil, l'Atelier de Salem, donc sur lesquels je parle un petit peu de mes événements futurs je mets en photo des pièces aussi, voilà. Je fais aussi un petit peu de communication, des fois papier que j'envoie, mais plutôt aux personnes que je connais déjà. Voilà. Et du coup aussi ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, au salon Cousu de Fil Rouge. Oui. Donc on pourra te rencontrer si jamais on a des questions à te poser ou si on veut connaître un petit peu plus ce que tu fais dans la vie. Et voilà. Et de toute façon, je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission, comme ça les gens ils auront juste à cliquer et pour te retrouver facilement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Déjà du succès, je pense, et puis surtout une bonne création, une bonne créativité et une bonne productivité. Et je pense que voilà, j'aimerais aussi qu'on avance dans nos travaux pour développer notre lieu dans notre maison, et j'espère pouvoir le faire découvrir prochainement au public aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite du coup ici. Merci. À Radio Guémozo. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte ? Non. Ok. Donc du coup, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de te remercier du coup, Solène, d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi. Cette émission sera rediffusée demain, mardi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook demain dans la journée. Si tu veux, je pourrais même te l'envoyer par mail, si tu veux oui, la récupérer. Tu réécouter, même si c'est pas évident de se réécouter. On fait toujours. De partager, voilà, Tu pourras faire ce que tu veux. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse d'ici quelques secondes avec Gérard et Céline de 60 à 15h qui nous parlera de l'année 1964. Quant à nous, nous ne nous retrouvons pas demain. Bah non, enfin, je sais pas, j'ai pas encore d'invité, ou alors ce sera une rediffusion, enfin, vous verrez bien d'ici demain. Mais moi, je sais pas ce que je vais faire demain. Donc, voilà, merci de votre fidélité, du coup, à Radio Gemozo, et je vous dis, on va dire à bientôt. Voilà. Donc, salut, et à bientôt.